La quête de l'oiseau du temps, peu de temps donc après la fin du premier cycle, qui s'annonçait lui-même comme un premier cycle, Loisel avait immédiatement dit qu'il n'avait pas l'ambition de reprendre lui le dessin. Par contre, c'est leur bébé avec Serge Letendre, et donc ils ont décidé de continuer, enfin ils avaient l'ambition de continuer. Bien sûr, on sait bien comment ça va, les projets, la difficulté de trouver quelqu'un qui puisse s'occuper de tout ça. Et en fait, il a fallu attendre très longtemps, si je ne m'abuse, il a fallu attendre 5 ans, puisque l'Ami Javin, c'était en 1998, ça fait 9 ans, et c'était 5 ans... Bien plus que ça, quoi. Bien plus que 5 ans. 10 ans, plutôt, non ? Oui, 10 ans, c'est ça. C'est moi qui dis n'importe quoi. Petite dizaine d'années après. Petite dizaine d'années après la fin du premier cycle. Alors pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va accepter la lourde tâche. Parce que faut quand même imaginer que pour un dessinateur, se faire recruter par Le Tendre et Loisel, c'est quand même pas un cadeau. Parce qu'il y a 250 pages de BD derrière et que les 60 qu'on va dessiner, il faut quand même que ça ait de la gueule. Sinon, c'est pas possible. Donc, lourde tâche. Or, c'est Litvin qui a repris le flambeau avec L'Ami Javin, donc paru en 98, dont moi j'avais pensé le plus grand bien, parce que c'est une vraie réussite, aussi bien au niveau de l'histoire, avec plein de bonnes surprises, puisqu'effectivement c'était un deuxième cycle, mais qui se passait 20 ans, 30 ans avant le temps du jeune temps de, voilà, de du Bragon, jeune temps de Bragon, de en fait. C'est un peu la jeunesse de Bragon et la jeunesse de Mara. Mara, qui est donc la mère de Pelisse, et qui est un des personnages principaux, finalement, par son absence, par l'emprise qu'elle a sur le récit, sans être la plus présente à l'image, c'est un personnage qui structure le récit, puisque c'est à sa demande que Bragon et Pelisse vont mener leur quête à la recherche de l'œuf de l'oiseau du temps. Bref. Donc la jeunesse de Bragon, la jeunesse de Mara, avec des surprises tout à fait étonnantes, puisqu'on découvre un Bragon tout jeune, et puis une Mara, tiens donc, toute rousse et, comment dire, généreuse, elle aussi, c'est de famille probablement. Alors que, bon, il faut bien le dire, dans la quête de l'oiseau du temps, Mara, c'est quand même la vieille sorcière desséchée. Il n'y a plus grand chose qui tient, enfin bon, voilà. C'est Yves Tourner. Ouh, sans l'accordéon. Non, vraiment. Donc, une bonne surprise. Et puis, bon, tout le monde attend la suite, parce que quand même, c'est évidemment totalement alléchant. On a envie de savoir ce qui s'est passé. D'autant plus qu'on devine que là aussi, on va avoir droit à plusieurs tomes de quelque chose qui est très, très, très, très vaste, très, très bien charpenté. Le plaisir de se replonger dans l'univers. Et puis, plus rien. Plus rien pendant 9 ans. Et après 9 ans, voilà, 2007, paraît le deuxième tome. Toujours... conçu, scénarisé, orchestré par Le Tendre et Loisel, mais dessiné par Awamri. Awamri, qui n'est pas un dessinateur très très connu, qui a travaillé un peu dans le milieu underground, mais bon, pas beaucoup de références qui diraient grand chose au grand public. Et Mohamed, en fait, s'est lancé à corps perdu là-dedans, et ça lui a pris évidemment du temps. Ça a pris du temps à Litvin de décréter que non, finalement il ne pouvait plus. Ça a pris du temps de trouver quelqu'un qui acceptait de reprendre, parce que reprendre, alors là ça devient carrément casse-gueule, parce que reprendre une saga qui a déjà été reprise par quelqu'un d'autre, oula les gars, faut pas avoir le vertige. Et puis ça a pris du temps à Mohamed Awamri finalement d'arriver à se plonger dedans et à ressortir quelque chose de valable. Donc 9 ans, tous les détails de historique, je veux dire, de la conception du machin, se trouve dans une très très chouette interview de Régis Loisel et de Serge Letendre, tous les deux en duo, interviewés dans Beaudeuil. On ne parle pas souvent de Beaudeuil, qui est un des derniers magazines BD presque indépendants, on va dire, parce que pas réellement officiellement affilié à une maison d'édition. Maintenant, on voit bien qui sont leurs petits chouchous et tout ça, et c'est vrai que ça manque parfois un petit peu de sérieux, d'objectivité, mais enfin bon. En l'occurrence, dans le Beaudeuil du mois de novembre, si vous vous dépêchez, il en reste peut-être encore quelques-uns en librairie, je pense qu'il paraît vers le 10 du mois, donc Beaudeuil numéro 112, sinon vous le commandez. Il y a donc cette chouette interview de Loisel et Le Tendre qui nous explique un petit peu la genèse du projet. Bon, ceci dit, Mohamed Awamri, est-ce qu'il a fait du bon boulot ? Parce que l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'il est hors de question qu'on reprenne une BD aussi aussi immense, aussi conséquente, et puis qu'on soit déçu. Et faut pas laisser trop de suspense trop longtemps. C'est évidemment très très bien. Est-ce que c'est aussi bien que la Mijavin ? Est-ce que c'est aussi bien que la première quête ? La question ne se pose pas. Je vous avoue que à la relecture de ceci, bon, l'air de rien, ça veut dire que ça replonge quand même presque 20 ans en arrière dans les souvenirs. Bon, c'est quand même... C'est pas évident de se souvenir tout à fait de tu veux dire que tu n'as pas relu la quête de l'oiseau du temps ? Eh bien non, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai ressorti. Et j'ai eu envie de le relire après avoir lu ceci. Ce qui est en soi, je trouve, bon signe, a priori. Parce que ça veut dire quelque part que j'ai retrouvé un petit peu, même sans en avoir le souvenir explicite, un peu de l'atmosphère de ce qu'il y avait dans la quête de l'oiseau du temps. Alors, au niveau de l'histoire, maintenant, c'est la suite. Hein. L'ami Javin étant un ami de Bragon quasiment son frère d'armes, il est mort dans le tome précédent. Bragon va continuer la quête, ses quêtes, ses aventures, etc. Et en fait, dans ce deuxième tome, c'est un peu la vraie jeunesse de Bragon et la manière dont il va devenir chevalier. On sait qu'il est déjà guerrier, qu'il n'est pas de noble extraction et qu'il est amoureux de Mara, qui elle est princesse et donc amour impossible, etc. Et donc il va décider de s'exiler dans une cité un peu lointaine et de devenir combattant. Et on voit bien que c'est là le début de son initiation à l'art du combat. Il est vachement fort, le bougre, et on imagine bien ce que ça va pouvoir donner avec 30 ans dans les pattes pendant la quête de l'oiseau du temps. Donc on a vraiment un gros aperçu sur la jeunesse de Bragon, avec déjà une quête à la clé, puisque le Bragon et Mara vont devoir se rendre dans un des territoires des marches à la recherche du grimoire du temps. Et c'est là que l'histoire est vraiment super intéressante de ce deuxième tome, c'est que pour la première fois, bon, la Mijavin c'était un peu de la mise en place, etc. On avait déjà quelques éléments qui se rapportaient, notamment dans les structures sociales et politiques de l'univers. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment un lien tout à fait direct. Or, le lien tout à fait direct. Alors c'est évidemment... C'est difficile d'en parler parce que ça fait référence à un retournement de situation dans la quête de l'oiseau du temps, premier cycle. On voit ici comment Mara et Bragon vont aller dans un espèce de lieu un peu magique comme ça et vont retrouver le grimoire du temps. Le grimoire du temps étant cet objet qui est central dans la quête de l'oiseau du temps, dans lequel on parle de l'oiseau du temps et qui va déclencher, si on veut, la quête de l'œuf, qui est cette quête du premier cycle. Donc la première fois qu'on entend parler de ce grimoire, on va le rechercher, alors il dit histoire de magie, etc. Et cet objet, qui est à la fois un objet maléfique et un objet nécessaire pour la quête, il va avoir une drôle d'influence sur Mara, mais on ne le découvrira qu'à la fin de la quête premier cycle. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un peu difficile de commencer à expliquer tout ça, évidemment, parce que ça fait référence à des choses qu'on ne peut savoir vraiment que si on a déjà lu le premier cycle. Donc je n'en dis pas plus. Donc une préquelle à ne lire qu'après avoir lu pas du la tout. Quête centrale. Non, justement, pas du tout. Le truc, c'est que si vous n'avez pas lu le premier cycle, c'est pas grave, parce que vous allez entendre parler de ce grimoire, et du coup, quand vous allez lire la quête, le premier cycle de la quête, vous allez réentendre parler du livre du temps, du grimoire des dieux, du grimoire du temps. Et là, vous allez comprendre d'où il vient. Et donc, vous allez comprendre certains de ses effets en rapport... Enfin, voilà, les deux sont liés, quoi. Mais c'est pas grave, si vous avez pas lu, vous inquiétez pas, vous pourrez vous rattraper. Il faudra attendre la fin de cette première quête, puisqu'il reste encore deux albums, si j'ai bien lu. Il reste encore deux albums, et là, c'est là que ça va être vachement intéressant. Et on va attendre 20 ans, alors. On va pas du tout attendre 20 ans, ouais. Et dans cette interview qui est parue dans Bodeuil, Mademoiselle et le Tendre s'en occupent, puisqu'ils disent aussi que c'est... complètement inacceptable d'imposer 9 ans d'attente aux lecteurs, donc on les remercie quand même de comprendre que nous on en a bavé pendant 20 ans ils vont dessiner, le troisième tome sera dessiné par Vincent Mallier, jeune auteur de BD dont on a déjà parlé une fois ou l'autre, mais pas de titre vraiment, enfin bon, Vincent Mallier, voilà, on en reparlera dès que le troisième tome sortira. Donc lui, il est déjà prévu, il y a déjà un scénario, ça s'appelle Le Grand Mort. Vincent Mallier est apparemment quelqu'un qui a vraiment de la force de travail et donc qui devrait paraître vraisemblablement d'ici un an ou deux grand maximum. Et le quatrième sera dessiné soit par Vincent Mallier, soit par Mohamed Awamri, qui avait dessiné ce deuxième tome. Donc là, ils ont bien compris la leçon, ils ont vraiment décidé de le terminer et de faire ce qu'il fallait pour que ça suive un petit peu, parce que quand même 9 ans, c'est intenable. Donc voilà, je fais beaucoup de détours et beaucoup de périphrases, je me rends compte que je brode autour de ça. C'est avant tout un album de BD, même si vous ne connaissez pas La Quête de l'Oiseau du Temps, mais pas du tout, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est un super chouette album de BD. C'est comme La Quête. C'est un univers immense et absolument cohérent. C'est bourré d'humour. C'est graphiquement, c'est époustouflant. Mais vraiment, c'est absolument incroyable. Les couleurs sont dingues. Et tous les personnages sont intéressants. Enfin, il y a tout. Tout ce qu'on peut imaginer pour faire un grand récit d'aventure est présent dans ce bouquin. C'est absolument passionnant. Alors, ils nous en ont fait quand même, grosso modo, comme tous les autres tomes de la quête. Donc, ça fait à peu près 66 planches. Donc, vous en aurez pour votre argent aussi. Si vous avez lu l'Ami Javin, vous devez évidemment acheter ça. La question ne se pose pas. Comment pouvez-vous même hésiter 2 secondes? D'ailleurs, vous devez vous faire offrir l'intégrale de la quête pour Noël. Et que ça saute. Et tout de suite. Si vous n'avez jamais lu La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est une bonne porte d'entrée, parce que c'est un récit qui est vraiment super intéressant. Ça vous donnera envie de lire le précédent, et ça vous donnera envie de retourner à la quête. Donc vraiment, moi, j'ai que du bien à dire de ce truc. C'est de la balle. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas encore acheté. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore allé à la librairie? Courez. Ah non, il est tard. Courez demain. Demain, peut-être. Oh, tu crois? Oui. Quelle heure est-il? Ah oui, il est quand même 9h30. Ouais. Oui, c'est juste que 9h30, non. Alors, vous serez gentil, vous n'allez pas frapper à cette heure-ci de North Park chez Slumberland, parce que le veilleur de nuit sera très fâché. Comme c'est un copain, je préférerais pas.